الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 113 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala. Au dernier cours, on a commencé donc à expliquer, on parlait de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de ne pas imiter le shaitan, et on a mentionné aussi le fait que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre le fait de donner les noms des prières, au nom des prières, de certaines prières, le nom que les bédouins donnaient à ces moments-là de la journée, comme Al-Atama par exemple. Il a dit n'appelez pas l'Isha Salat Al-Atama, parce que ça c'est le langage des bédouins, et donc il dit appelez-la Salat Al-Isha. Et le cheikh il continue sur ce sujet-là, il dit wa rawa al-Bukhari an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tughallibannakum al-a'rab ala ismi salatikum al-maghrib wa qala wal a'rab taqulu wa hiya al-isha وقد كره فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة وهذه الكراهية عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا وعند بعضهم إنما تقتضي كراهية الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم. Donc Cheikh al-Islam il cite donc le hadith rapporté par Ibn Taymiyyah par l'imam al-Bukhari dans son sahih selon Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne laissez pas les bédouins avoir le dessus sur vous dans le nom de Salat al-Maghrib. Donc dans le hadith, dans les cours précédents, on avait mentionné qu'il avait mentionné Salat al-Isha, parce que les bédouins ils appellent al-Isha al-Atama. Maintenant Salat al-Maghrib, les bédouins l'appellent Salat al-Isha, hein? Donc il a dit ne laissez pas les bédouins avoir le dessus sur l'appellation de vos prières. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté qu'on soit en accord avec les bédouins sur au sujet du nom de la prière du Maghrib et du Isha en les appelant al-Isha et al-Atama. Et certains ulama ils considèrent que ça veut dire ou ça implique le fait que c'est quelque chose qui est détestable d'utiliser ce nom-là de façon absolue. Tandis que d'autres ulama considèrent que ce qui est détestable, c'est pas de d'utiliser ces appellations-là, mais plutôt de le faire trop, hein, d'exagérer ou de l'utiliser trop souvent, jusqu'à ce que le nom de la prière soit remplacé par ce nom-là, à force de l'utiliser. Et c'est ça ce qui est connu chez les ulama. Il dit dans les deux cas, que ce soit le fait que ce soit détestable ou interdit de façon absolue, ou que c'est le fait de le faire beaucoup qui devient interdit. Et il dit dans les deux cas, il y a l'interdiction ici d'être en accord avec la façon dont les bédouins utilisent ces noms-là pour décrire les différents noms des prières. Et ça, il dit également que ça signifie le fait de l'interdiction d'être en accord avec les noms arabes. En parlant des mouchriquines. Et ici, c'est important de comprendre par rapport à ces noms-là. Par exemple, dans certaines langues, les gens ils appellent les prières par d'autres noms, selon les noms de leur langue. Et j'ai vu ça, par exemple, chez certains musulmans du Pakistan ou de d'autres pays. Les prières, ils leur donnent les noms de leur langue, dans leur langue. Donc, Salat al-Isha, Salat al-Maghrib, Salat al-Fajr, Salat al-Asr, Salat al-Zuhr, ils les appellent pas comme ça. Ils leur donnent des noms de leur langue. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est pas bien, parce que quelqu'un qui est d'une autre origine ou d'un autre pays qui connaît pas leur langue, il va pas savoir de quelle prière il parle. Hein? Donc c'est bien d'utiliser les noms qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et dans la Sharia, par rapport aux noms des prières, comme ça, tout le monde peut les reconnaître, peu importe d'où ils viennent, hein, de tout, peu importe leur origine. Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit « هذه الكراهة متفق عليها بين العلماء ولكن اختلافهم في كون هذه الكراهة كراهة مطلقة أو في الإكثار من ذلك ففي الجملة فنحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيما يستبدلونه من الأسماء الشرعية فإنما له اسم شرعي ينبغي أن يسمى باسمه الشرعي ولا يسمى بغيره. Donc le cheikh il résume qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit. Il dit que les ulama ils sont tous d'accord sur le fait que le fait de changer les appellations, d'appeler les prières par des noms différents en suivant l'exemple des bédouins, que ça c'est quelque chose qui est interdit, hein, que c'est quelque chose qui est détestable. Mais ils divergent. Est-ce que c'est de façon absolue ou bien c'est le fait d'exagérer là-dedans qui est détestable ou qui est interdit? Et il dit que de façon générale, qu'est-ce qui est interdit, c'est de ressembler aux bédouins et de les imiter. Donc, qu'est-ce qu'ils changent des noms qui sont les noms établis par la charia pour les choses, les différentes prières, par exemple. Et donc, s'il y a un nom qui a été établi par la charia à propos de quelque chose, eh bien, c'est pas permis de changer ce nom-là pour donner à cette chose un nom différent. Il dit ensuite والشارع يسمى المغرب أو سمى المغرب بالمغرب وسمى العشاء بالعشاء فلا نغير هذا الاسم إلى اسم آخر فنوافق فيه الأعراب وقد نهينا عن ذلك والآن صار الحرص على الأسماء الغربية بدل الأسماء العربية والأسماء الشرعية شديدا يتبجح به المستغربون ومن شابههم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a donc nommé le Maghrib Maghrib et il a nommé l'Isha Isha. Donc on n'a pas le droit de changer ces noms là pour des noms différents qui seraient en accord avec ce que les bédouins utilisent comme nom, hein, ça nous a été interdit. Il dit mais aujourd'hui qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens ils se forcent pour donner aux choses les noms, par exemple, des langues occidentales, par exemple. Au lieu des noms arabes, ils prennent des noms occidentaux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils se forcent beaucoup pour utiliser ça, surtout ceux qui sont occidentalisés parmi les musulmans. Et donc, il dit que ça fait partie de cet exemple-là, de qu'est-ce qui nous a été interdit d'imiter les koufars, d'imiter les bédouins. Et si c'est interdit d'imiter les bédouins, eh bien encore plus d'imiter les koufars et Ani de façon générale. Ensuite, il passe à une autre section dans le livre. Il dit « وَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ وَالشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ التَّشَبُّهِ بِالْأَعْرَابِ وَالْأَعَاجِمِ فَرْقًا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ وَإِجْمَالًا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ. » Donc ici, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, après avoir mentionné l'interdiction d'imiter les koufars et d'imiter les shayatines, il va ramener une nuance, il va clarifier maintenant. Il explique qu'il y a une différence entre le fait de ressembler ou d'imiter les arabes, en parlant des bédouins, d'imiter les bédouins et d'imiter les étrangers, les non-arabes. Il y a une différence entre le fait d'imiter les koufars et les shayatines et le fait d'imiter les bédouins et les non-arabes. Et il faut donc considérer cette distinction-là. Et il y a des choses qui sont générales qu'il faut détailler et expliquer de façon plus spécifique. Et ça, c'est une règle très importante. Et on va voir, Cheikh Al-Fawzan, il va clarifier ça un peu plus en détail. ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit « هذه قاعدة عظيمة » فإنه ذكر رحمه الله تحريم التشبه بالشياطين وتحريم التشبه بالكفار وتحريم التشبه بالأعراب وتحريم التشبه بالأعاجم ثم ذكر هنا أن هناك فرقا بين التشبه بالشياطين والتشبه بالأعراب والأعاجم وذلك على النحو التالي أولا التشبه بالشياطين ممنوع مطلقا ولا يستثنى منه شيء لأن الشياطين كلهم شر وليس فيهم صلاح أبدا فلا يجوز التشبه بهم مطلقا إذ ليس فيهم صالحون. ثانيا أن أما الأعراب ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيم وكذلك الفرس والعجم فإن فيهم من أولياء الله ومن أهل العلم وأهل الصلاح الشيء الكثير. فالله جل وعلا قال في شأن الأعراب ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فقد أثنى سبحانه على هذا الصنف من الأعراب فدل على أنهم غير مذمومين في الجملة. Donc on va commencer à traduire cette partie. Le Cheikh Al-Fawzan il explique qu'il y a une règle hein, qui est mentionnée par le Cheikh, c'est qu'il est interdit d'imiter les diables, le shaitan et tous ceux qui suivent le shaitan, on est interdit de l'imiter et de leur ressembler. De même que il nous est interdit aussi d'imiter les kuffars. Et il nous est aussi interdit d'imiter les bédouins. Et il nous est également interdit d'imiter les non-arabes parmi les kuffars. Puis il mentionne ensuite qu'il y a une distinction entre l'imitation des diables et l'imitation des bédouins et des non-arabes. Et il explique la distinction qui existe entre ces deux choses-là. Il dit premièrement, l'imitation des diables, c'est interdit de façon absolue et il n'y a pas d'exception là-dedans, dans cette interdiction-là, parce que tous les diables sont mauvais. Il n'y a pas de bon parmi les diables. Et donc, il n'est pas permis pour nous de leur ressembler de façon absolue parce qu'il n'y a pas parmi eux aucun qui sont bons. Tandis que le deuxième point par rapport à cette question-là, c'est que les bédouins, il y a parmi eux qui sont pieux, qui sont croyants et qui sont sur le droit chemin. Donc ce n'est pas tous les bédouins qui sont mauvais. Et il dit de même que chez les Perses et chez les non-arabes, il y en a parmi eux qui sont des awliya d'Allah, qui sont des rapprochés parmi les serviteurs d'Allah, qui ont du ilm, qui ont de la science, qui sont bons et qui ont beaucoup de bonnes qualités et qui sont vertueux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a fait l'éloge de certains d'entre les bédouins en disant que parmi les bédouins, il y en a qui croient à Allah et au jour dernier et qui prennent ce qu'ils dépensent hein, dans le sentier d'Allah comme un moyen de se rapprocher auprès d'Allah hein, et des bénédictions et des prières du prophète, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de cette catégorie parmi les bédouins et ça c'est la preuve qu'ils ne sont pas tous blâmables de façon générale. Il y en a parmi eux qui sont mauvais mais il y en a parmi eux qui sont bons aussi. Il dit وثالثا كذلك في الفرس والأعاجم فإن الله جل وعلا قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهذا من باب المدح فهو سبحانه يثني على هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بذلك فكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه فوضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. فهو صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى سلمان وأمثاله ممن أسلموا من الفرس وتعلموا وصاروا من أكابر العلماء وكبار الأئمة وسيأتي ذكر تمثيل لهم. فدل هذا كله على أن العجم ليسوا مذمومين مطلقا وإنما فيهم من الأخيار وأهل الصلاح الشيء الكثير بخلاف الشياطين فإنهم مذمومون مطلقا. Donc ici le Cheikh il mentionne au sujet des Perses et des non-arabes que Cheikh al-Islam a mentionné dans l'explication. Et il dit que parmi les Perses et parmi les non-arabes, hein, il y en a donc qui sont parmi les gens de bien, hein, qui sont des bons musulmans. Et il mentionne le verset, il cite Surat al-Jumu'ah. Donc on va lire le verset auquel il fait allusion là-dedans. Et c'est le verset 2 et 3. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina, al ummiyin c'est les arabes, al arabes, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al azizu al hakim. Et la signification de ça en français, c'est lui qui a envoyé des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, ceux qui n'avaient pas reçu de livre auparavant. Il a envoyé parmi eux un messager dès l'heure, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Puis il dit ensuite, ainsi qu'à d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. Et Yani, c'est lui qui est le puissant et le sage. Et les ulama de tafsir, parmi eux, ils ont expliqué que وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, et d'autres qui ne les ont pas encore rejoints, c'est-à-dire les non arabes parmi les musulmans. Et les sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire ça à leur sujet dans le sens de la glorification, c'est-à-dire qu'il fait l'éloge de ceux qui ne les ont pas encore rejoints parmi les croyants des autres peuples. Puis, il y a des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. C'est-à-dire, et si vous vous détournez, eh bien, il va vous échanger pour un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. Et les sahaba ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, de qui est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il dit que si on se détourne, il va nous échanger par d'autres peuples. Et puis il a indiqué par exemple Salman radiallahu anhu, qui faisait partie des Perses, parce qu'il est Salman al-Farisi, c'est un Perse, il vient de la Perse qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Donc ça c'est un exemple. Et il dit le cheikh que les sahaba, donc ils étaient réunis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont posé la question, donc de qui est-ce que Allah parle, de ceux qui n'ont pas encore rejoint. Et Salman al-Farisi était à côté de lui et il a mis sa main sur Salman et il a dit, si les gens de la Perse avaient la foi, eh bien ils auraient été rejoints par des gens comme ceux-là, en parlant des Perses. Donc c'est pour dire que Salman et ceux qui sont comme lui parmi ceux qui se sont convertis à l'islam et qui faisaient partie des Perses, qui ont appris la religion et qui sont devenus parmi les grands savants, les grands ulama de l'islam et des grands imams. Donc ça c'est comme un exemple qu'il leur a donné pour eux, pour leur faire comprendre qu'il peut y avoir également parmi les autres peuples et parmi les gens des autres nations des gens qui sont également des vrais croyants et qui sont des gens qui ont du savoir, de la compréhension de l'islam. Et il dit, tout ça indique que chez les non-arabes, il peut y avoir des mu'minin et des salihin et des imams et des awliya. Donc il dit, ça veut dire que les non-arabes ne peuvent pas être blâmés de façon générale et de façon absolue, parce qu'il y a des gens de bien parmi eux. Il y en a beaucoup de gens de bien parmi eux, et contrairement au diable. Contrairement au diable, parce que les diables, eux, ne sont que blâmables de façon absolue. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْكُفْرِ وَالتَّشَيْطُنِ مَذْمُومٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَفْسُ الْأَعْرَابِيَّةِ وَالْأَعْجَمِيَّةِ لَيْسَتْ مَذْمُومَةً فِي نَفْسِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَعِنْدَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc il dit la différence, Ibn Taymiyyah, il dit la différence entre l'interdiction d'imiter les diables et l'interdiction d'imiter les bédouins et les étrangers, les non-arabes, il dit, c'est que déjà à la base, le fait, la mécréance et le fait d'être un shaitan, eh bien ça c'est quelque chose qui est blâmé dans le jugement d'Allah et de son messager et dans le jugement des croyants, des serviteurs croyants. Tandis que le fait d'être bédouin ou d'être non arabe, c'est pas quelque chose qui est blâmable en soi auprès d'Allah, de même que pour le messager, de même que pour les croyants parmi les serviteurs. Il dit وهذا مجمل مجمل ما سبق هذا مجمل ما سبق فيقال الكفر والتشيطن مذمومان مطلقا ولا يستثنى شيء منهما فلا يقال إن الكفر بعضه أخف من بعض فيتساهل مع الكفار وكلهم أعداء الله سبحانه وتعالى وكذلك الحال في الشياطين الإنس والجن فلا يقال إن هناك شيطان أخف من غيره بل كل الشيطان شر ولا يستثنى من أمرهم شيء بخلاف الأعراب والفرس فهم غير مذمومين جملة كونهم أعرابا وفرسا ولهذا قال ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها يعني هي ليست مذمومة من أجل هذا اللفظ وإنما هي مذمومة بالنسبة لأهلها. Donc ici le cheikh il dit que on a expliqué, donc ça c'est un résumé de tout ce que on a expliqué, c'est que le kufr en lui-même c'est quelque chose de mauvais, de blâmable, de même que at-tashaytun, le fait d'être un shaytan, c'est quelque chose qui est blâmable de façon absolue. Et il n'y a pas d'exception dans ça. Donc on ne va pas dire par exemple que le kufr, une partie qui est, est moins pire que l'autre, hein, pour prendre à la légère l'attitude, le comportement envers les kuffars. Hein, ils sont tous des ennemis d'Allah. Et de même que l'état des diables parmi les hommes ou les djinns. On ne dit pas que oui, il y a des shayatines qui sont moins pires que d'autres. Non, shaytana, le fait d'être un shaytan, c'est mauvais, peu importe. Et il n'y a pas d'exception à leur sujet, au sujet des diables. Il dit, contrairement aux Bédouins et aux Perses, eh bien, eux, ils ne sont pas, de façon générale, on ne peut pas tous les mettre dans le même paquet pour les blâmer. Hein, qu'ils soient Bédouins ou qu'ils soient Perses ou autres. Hein, parce que, hein, comme on a expliqué, yani, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour le nom qu'ils portent qu'ils sont, qu'on va les blâmer, mais c'est plutôt par rapport aux gens qui composent ce peuple-là, si parmi eux il y a des croyants. Donc ils sont les croyants, ça c'est quelque chose qui est bien parce que ce sont des mu'minines. Toutefois, si ce sont des ennemis d'Allah ou des kuffars, on va les blâmer pour leur kufr, pas parce qu'ils sont perses, pas parce qu'ils sont yani, étrangers ou bédouins. Et ensuite, le cheikh il va citer des versets dans Surat At-Tawbah à ce sujet-là. Donc on va les lire ensemble. Puis après, je vais lire la traduction de ces versets-là. Donc, Cheikh al-Islam, il dit « Bal al-Arabu munqasimun ila ahli jafa, qala fihim, qala Allahu fihim, al-Arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzara Allahu ala rasulihi, wallahu alimun hakim. Wa min al-Arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وقال تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Donc il a cité ces deux versets. Les premiers versets dans sourate At-Tawbah, versets 97 et 98, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: les bédouins sont plus endurcis dans leur mécréance et dans leur hypocrisie, leur nifaq, et plus enclin à ne pas connaître les règles de la religion que Allah a révélées à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Ensuite, dans l'autre verset, il dit, parmi les bédouins, certains prennent leurs dépenses, hein, les sadaqat qu'ils donnent et les aumônes qu'ils donnent, yani, ils dépensent en aumône ou à la guerre. Ils prennent ça comme une charge onéreuse. Hein? Et il dit, et attendent pour vous un revers de fortune. Donc ils attendent qu'il arrive quelque chose de mal. Hein. Donc ils ne sont pas sincères. Hein. Que le malheur retombe sur eux, Allah est audient et omniscient. Puis il a cité les versets 11 et 12 dans Sourate Al-Fatih, et qui parle également de l'attitude de certains d'entre les bédouins aussi. Donc on va lire ces versets-là également. Donc Sourate Al-Fatih 11 et 12. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, ceux des bédouins qui ont été laissés en arrière, c'est-à-dire qui ne sont pas partis à la bataille, hein, et ils te diront, nos biens, nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur, hein, donc ils ne sont pas sincères, ils ont du nifaq. Dit, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il vous veut du bien, hein, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela a été embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous faites des gens perdus. Donc maintenant on va voir le tafsir de ces versets maintenant. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit Al-Arab yanqasimuna ila qismayn. Al-qism al-awwal ahlu jafa. Dhakara Allah Ta'ala fi dhammihim, dhammahum fi surah At-Tawba fi hatayn al-ayatayn bi qawlihi الأعراب أشد كفرا ونفاقا وقوله ومن الأعراب ما يتخذ من ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر وفي سورة الفتح أيضا ذما لهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب أي الذين تخلفوا عن الغزو معك بادعاء أن لهم عذرا يمنعهم من الخروج وهم في الحقيقة كاذبون وكان هذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة التي صده عنها المشركون وانتهى الأمر في صلح الحديبية فقد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة وتأزم الأمور بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من أهل مكة فلقد تخلفوا عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا كما ذكر الله شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ولكن فضحهم الله عز وجل وبين أن سبب تخلفهم ليس شغل الأموال والأولاد وإنما الذي خلفهم هو عدم الإيمان والقنوط من النصر ولهذا قال في حقهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وقال قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ثم بين السبب الحقيقي الذي أخرهم بقوله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي إن الذي أخرهم هو عدم إيمانهم وليس هو عذر الأموال والأولاد وإنما هو عدم الإيمان في قلوبهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقضى عليهم وأنهم لا يرجعون ولهذا فضحهم الله بقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا يعني هالكين والسبب هو خلو قلوبهم من الإيمان إضافة إلى سوء الظن بالله عز وجل واعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقضى عليهم ولن يرجعوا ولن ينتصروا على عدوهم ففضحهم الله جل وعلا وأبدى مخازيهم. Donc on va traduire cette partie, puis après on continue, inshallah. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit que les Arabes, parmi les Bédouins, ils sont divisés en deux catégories. La première catégorie, c'est les gens de la dureté. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le blâme de cette catégorie-là dans Surat At-Tawbah, dans deux versets, en disant que les Bédouins sont plus acharnés dans leur mécréance et leur hypocrisie, leur nifaq. Le verset 97. Et dans le verset 98, il dit: et parmi les Bédouins, il y en a qui prennent ce qu'ils dépensent dans la cause d'Allah, hein, comme si quelque chose qu'ils, hein, une faveur qu'ils font, hein, comme si c'était une dette qui leur était due. Et ils attendent un revers de fortune, c'est-à-dire ils attendent que quelque chose de mal arrive aux musulmans et aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Surat Al-Fath aussi, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet des Bédouins le blâme à leur sujet, ou certains d'entre eux, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ceux qui sont restés derrière, qui ne sont pas venus, hein, avec toi parmi les Bédouins lors de la bataille ou lors de Al-Hudaybiyah. Et ça c'est le verset 11 dans Surat Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset-là? C'est ceux qui sont restés derrière et qui ne sont pas venus à la bataille avec toi, en prétendant qu'ils avaient une excuse qui les a empêchés de venir, en réalité, c'était des gens qui ont menti. C'était des menteurs. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour faire la Umrah, l'année de Al-Hudaybiyah, et que les mushrikoun l'ont empêché d'aller compléter la Umrah, hein, ils l'ont arrêté en chemin à l'endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, et c'est à cet endroit-là qu'il y a eu justement la signature de l'entente célèbre qu'on appelle As-Sulh Al-Hudaybiyah. Et donc à ce moment-là, les Bédouins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invités à venir avec lui pour aller à Mecca, ils sont restés derrière. Et c'était un moment dans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un grand besoin de leur force et de leur support, et eux ils sont restés derrière parce que la situation entre les musulmans, entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les kuffars de Quraysh et les gens de Mecca, elle était très dure. Cette situation là à cette époque là était très très très très dure, et donc eux ils ont préféré ne pas venir au secours du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne sont pas venus pour le supporter à ce moment-là. Donc les Bédouins sont restés derrière, et ils ont dit comme excuse: on a été occupés par nos biens et par nos familles, alors demande à Allah pardon pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués, il a montré leur réalité en fait, en expliquant la raison réelle pour laquelle ils ne sont pas venus supporter le messager sallallahu alayhi wa sallam, et la raison réelle que c'était pas à cause de leurs biens ni à cause de leurs enfants qu'ils étaient restés derrière, mais la chose qui les avait retenus, c'était uniquement le fait qu'ils n'avaient pas la foi et qu'ils désespéraient d'avoir une victoire, hein, contre les mushrikin. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet dans le verset dans Surat Al-Fath, le verset 11, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc c'est des gens qui ne sont pas sincères, ils ne disent pas ce qu'ils pensent réellement. Et il dit aussi: dis au Muhammad, qui détient pour vous, hein, yani, quoi que ce soit de la part d'Allah, si Allah veut, qui peut vous empêcher, hein, si Allah a voulu pour vous un mal ou il a voulu pour vous un bien, qui peut le retenir de vous en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est pour dire, si vous n'êtes pas venu parce que vous craignez un mal ou quelque chose comme ça, sachez que yani, le bien et le mal c'est entre les mains d'Allah. Si vous arrive quelque chose, c'est Allah qui décide que vous veniez ou que vous ne veniez pas. Donc mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il explique, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas voulu venir. Et il dit: bal kanu la yafqahuna illa qalila. C'est-à-dire ils ne comprenaient que très peu. Et c'est pour dire, ça c'est le verset 15, c'est pour dire que qu'est-ce qui les a retenus de sortir avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est parce que en réalité ils n'avaient pas la foi, ils ne croyaient pas réellement, et donc c'était pas l'excuse réelle leur bien et leurs enfants, mais plutôt parce qu'ils n'avaient pas l'iman, n'ont pas la foi dans leur cœur. Ça c'est d'un point de vue. Il dit d'un autre point de vue, ils ont cru que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons allaient être complètement battus et exterminés par les mouchriquins et qu'ils ne reviendraient pas, hein, qu'ils allaient être tués tous. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset pour les démasquer encore plus. Il dit: et vous avez pensé que le messager ainsi que les croyants ne reviendraient jamais à leur famille, hein? Et Allah il dit: et ceci a été embelli dans vos cœurs et vous avez pensé une mauvaise pensée, et vous êtes donc devenu un peuple, hein, perdu, qui est dans la perdition. Il dit la cause de ça, c'est parce que il n'y avait pas de foi dans leur cœur et parce qu'ils ont pensé mal d'Allah, ils ont pensé mal à propos d'Allah, parce que ils se sont imaginé que Allah subhanahu wa ta'ala allait abandonner son messager et qu'il allait abandonner les croyants et qu'il allait laisser les mouchriquins avoir le dessus sur les croyants. Donc ça c'est de penser du mal, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à propos donc de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il explique que ils ont cru, les bédouins ont cru que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons allaient ne pas revenir, ils n'allaient pas revenir, qu'ils allaient être tués dans cette bataille-là et qu'ils n'allaient pas être avoir la victoire sur leur ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a donc humiliés et démasqués en fait en faisant connaître et en faisant savoir ce qu'ils cachaient dans leur cœur, hein? Et ça c'était une des choses aussi à propos du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il révélait la réalité de l'état des cœurs des gens, la réalité de l'état des cœurs des gens et des munafiqins en particulier. Et c'est pour ça que les munafiqins ils avaient très peur de la révélation du Coran, parce qu'ils craignaient tout le temps que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre un verset qui révèle la réalité de qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Le cheikh il explique ensuite, il dit: wa thumma lamma ra'aw al-muslimina sayaghzuna khaybar wa fiha ma fiha min al-amwal wal-mazari' wa min al-khayr al-kathir qalu dharuna nattabi'kum. Qala ta'ala wasifan halahum wa qawlahum: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فهم حينما جاءت الغزوة التي فيها مغانم تقاتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يخرجوا ولكن الله منعهم من ذلك عقوبة لهم على تخلفهم الأول وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فلما منعهم الله سبحانه وتعالى يعني أردفوا ذلك بكلام أقبح من الأول فقالوا بل تحسدوننا فقال الله جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وهذا مثل قوله في أول الآيات الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فذكر أنهم لا يفهمون الكلام إلا قليلا ثم إن الله تحداهم فيما إذا كانوا صادقين في طلب الجهاد فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون والمراد بذلك غزو أهل اليمامة لما ارتدوا عن دين الإسلام وأهل اليمامة أهل بأس شديد ولهذا قيل لهم إن كنتم صادقين إذا حانت هذه الغزوة فاخرجوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل شأنه ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما فهذه الآيات كلها في هذا السياق مما يدل على أن الأعراب يتصفون بعدم الإيمان وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ما هم فيه من صفات الشجع من صفات الجشع والطمع وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة. Donc le cheikh il explique ensuite que lorsque les musulmans ont voulu par la suite combattre Khaybar, la ville de Khaybar, là où les juifs s'étaient enfuis après qu'ils ont perdu dans la bataille de c'était les juifs de Bani Nadir, je crois, qui étaient partis à Khaybar. Quand ils sont partis là-bas, ils ont fait ils ont commencé à travailler les jardins de dattes et tout ça, ils avaient beaucoup de fruits et tout ça à cet endroit-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus parce qu'ils ont trahi encore une fois les musulmans. Et donc, les bédouins ont dit, laissez-nous venir avec vous. On veut aller à Khaybar pour combattre nous aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de butins là. Quand ils vont aller combattre la ville de Khaybar, eh bien, il y a beaucoup de richesses là-bas. Il y a beaucoup de biens là-bas. Donc, si ils viennent, ils vont avoir une part de ce butin là. Donc, ils veulent venir. Alors qu'auparavant, quand c'était Al-Hudaybiyah contre les mouchriquins et qu'ils craignaient pour leur vie, là, ils ne voulaient pas y aller. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ensuite que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait pour combattre contre Khaybar, là, ils ont voulu venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ça dans le verset 15, dans surat Al-Fath. Donc, on va lire ce verset-là pour voir quelle est l'explication. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin, c'est-à-dire la bataille le butin de la bataille de Khaybar, pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Laissez-nous vous suivre, on veut venir avec vous. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dit au Muhammad, jamais vous ne nous suivrez. Ainsi, Allah a déjà annoncé. Donc, Allah leur a interdit de venir, d'aller dans cette bataille-là. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Donc, vous êtes jaloux de nous. C'est ça leur réponse. Mais ils ne comprennent, en réalité que très peu. Et donc, ici, le cheikh, il explique que lorsque il y avait une bataille et qu'ils ont su qu'il y allait avoir beaucoup de butins, en résultat, ils allaient avoir beaucoup de butins, ils sont venus tous vers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, on veut venir avec vous pour la bataille de Khaybar, on veut sortir avec vous cette fois-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de venir à cette fois-là, pour les punir de ne pas être allés la première fois. Les bédouins, ces bédouins-là, c'était des bédouins qui sont hypocrites, munafiqin, oui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire, non, vous n'allez pas venir avec nous. C'est ainsi que Allah avait dit auparavant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de venir. Et ils ont suivi ça, ils ont dit comme une excuse plus laide encore que la première excuse qu'ils avaient donnée. La première excuse qu'ils avaient donnée pour ne pas y aller, c'est que nos enfants et nos biens nous ont occupé, donc on n'était pas capable de venir avec vous. Demande pardon, demande à Allah pardon pour nous. Maintenant, cette fois-ci, ils ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, vous ne pouvez pas venir avec nous maintenant, parce que vous n'êtes pas venu la première fois, ils ont dit, vous êtes jaloux de nous, hein, vous nous enviez, vous êtes envieux. Donc ça, c'est grave comme accusation, d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabes d'être envieux d'eux. C'est grave. Et donc ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit bal kanu la yafqahuna illa qalila. C'est-à-dire ils comprennent rien sauf un petit peu seulement. Ils n'ont pas de compréhension, ces gens-là. Il dit wa mithlu hadha fi qawlihi fi awwal as-surah. C'est comme Allah il dit dans sourate At-Tawba verset 97 que les bédouins sont plus acharnés dans leur mécréance et leur hypocrisie. Hein? Et plus enclin à ne pas connaître les règles de la religion que Allah a révélées sur son messager. Donc c'est des gens qui sont acharnés dans leur mécréance, quand ils sont dans la mécréance et quand ils sont dans l'hypocrisie aussi. Et ils s'éloignent de la science, ils ne veulent pas apprendre les règles de la religion que Allah a révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'ils ne comprennent pas la parole, excepté un peu seulement. Puis il les a mis au défi par la suite que s'ils sont sincères, alors Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre à l'épreuve. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre à l'épreuve pour voir s'ils sont sincères, hein, dans la demande du jihad. Donc vous dites que vous voulez combattre, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le verset 16 dans sourate Al-Fath encore, dit à ces bédouins, hein, qui restèrent derrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable et vous les combattrez, hein, à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez, comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiement douloureux. Donc le cheikh il explique maintenant que ici, qu'est-ce qu'il voulait dire par les gens qui ont une force redoutable, c'était qui? C'est les gens de Al-Yamama. Hein? Les gens de Al-Yamama, c'est-à-dire les gens de la région de comment on appelle aujourd'hui le Najd de Al-Yamama, c'est la région qui est l'Arabie Saoudite aujourd'hui, comme le Riyad et cet endroit, cette région-là, je crois que c'est ça, c'est la région où habitait Al-Yamama. Okay? Les gens de Al-Yamama. Et ces gens-là avaient apostasié de la religion de l'islam à ce moment-là, et ils avaient une grande force. C'était des gens qui avaient une force redoutable. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit à ces bédouins-là dans le verset, si vous êtes sincères, si vous êtes véridiques, lorsque vous dites que vous voulez sortir et combattre avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien maintenant, on va vous appeler à combattre un peuple qui a une force redoutable, hein, soit que vous allez les combattre, ou bien qu'ils vont accepter l'islam. Et si vous obéissez, hein, Allah vous donnera une grande récompense, une bonne récompense. Mais si vous vous détournez comme la première fois, eh bien, il va vous châtier d'un châtiment douloureux. Et donc, ces versets-là, c'était dans ce contexte. Et c'est ce qui indique que les bédouins, hein, ils ont comme caractéristique le fait qu'ils n'ont pas la foi. Et qu'ils ont des mauvaises pensées à propos d'Allah. Et on peut ajouter à ça le fait qu'ils ont un amour de la dunya. Et que ce sont des gens qui ont de la convoitise pour les biens. Et qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc ça, c'est parmi les caractéristiques de certains d'entre les bédouins. Et ça, c'est un groupe, la première catégorie parmi les bédouins. Il dit, il y a une autre catégorie parmi les bédouins. Il dit, wa ila ahli iman wa bir. قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. الله غفور رحيم. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est-à-dire qu'il y a des bédouins qui ont, le cheikh dit, il y a des gens parmi les bédouins qui sont des gens de la foi, qui sont des gens de la, du bien. Et il dit, il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, hein, parmi les bédouins, il y en a qui croient en Allah et au jour dernier, hein, et qui prend ce qu'ils dépensent comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. Et c'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra dans sa miséricorde, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Na'am. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Qismu al-Thani min al-A'rab Ahlu imanin wa bir Wallahu jalla wa ala La yazlimu ahada Fa'innahu lamma dhamma al-A'rab Wa zakara makhazihim استثنى منهم أهل الإيمان والبر فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله قوله من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا في مقابل قوله أشد كفرا ونفاقا وقوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله في مقابل قوله ويتخذ ما ينفق مغرما أي هم يعتبرون الإنفاق في سبيل الله خسارة وغرامة ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie parmi les bédouins, comme on a dit, c'est des gens de la foi, des gens du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice à quiconque. Donc il fait pas d'injustice. Il va pas généraliser lorsque il y a pas de généralisation à faire. Hein? Il y en a des bédouins, c'est vrai, qui sont des hypocrites ou qui ont des mauvaises caractéristiques, mais il y en a aussi parmi eux qui sont des gens de bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas faire d'injustice, il va mentionner les gens de bien aussi. Et donc il dit, et lorsqu'il a blâmé les bédouins en mentionnant, hein, les mauvaises choses qu'ils font, il a mentionné leurs défauts, mais aussi il a fait des exceptions. Parmi eux, il y en a des gens aussi qui ont la foi et qui sont des croyants et qui sont des gens de bien. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 99, et parmi les bédouins, il y en a qui croient en Allah et au jour dernier et qui prennent ce qu'ils dépensent, hein, dans le sentier d'Allah comme un rapprochement d'Allah. Et il met en relation les deux exemples, les deux catégories des bédouins. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier et ceux qui sont plus acharné dans la mécréance et le nifaq. Puis il dit, ceux qui prennent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah, tandis que les autres, ils prennent ce qu'ils dépensent comme quelque chose qui est une perte pour eux, ou comme une dette ou une amende qu'ils doivent payer. Il y en a comme si c'est quelque chose qu'on leur enlève. Ils ne le considèrent pas comme un moyen de se rapprocher d'Allah ou comme une obéissance à Allah. Il dit وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est Cheikh Ibn Taymiyyah. On va finir avec ça pour ce livre aujourd'hui. Le Cheikh il dit وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين. Donc il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah que il y avait parmi les compagnons du messager صلى الله عليه وسلم, de ceux qui sont venus des différentes délégations et d'autres parmi les bédouins, des gens qui ont été beaucoup mieux et meilleurs que beaucoup d'entre les gens des villes, hein, des gens qui étaient des gens de la ville et qui n'étaient pas des gens du désert ou des gens des bédouins. Donc parmi les bédouins, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein, qui viennent de la ville. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit Dakarna Anna Cheikh رحمه الله يبين في هذا الكتاب حكم الأعراب على سبيل الإجمال وحكمهم على سبيل التفصيل والأعرابية في الجملة مذمومة لأنها يغلب على أهلها الجفاء والجهل بأحكام الدين وكذلك النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولكن ليسوا كلهم كذلك فالله سبحانه وتعالى قد استثنى منهم طائفة آمنت بالله وبرسوله وزالت عنها هذه الصفة المذمومة لأن الإسلام الصحيح يقضي على الصفات المذمومة ويحل محلها الصفات الطيبة المحمودة. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فمنهم كما ذكر الله تعالى من يدفع الصدقات طمعا في ثواب الله وطمعا في دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدق إيمانهم بالله عز وجل، فإنه فيه أن الزكاة وهي الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة تفيد صاحبها كونها تقرب إلى الله، كونها تقرب إلى الله، وأنها توجب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألا إنها قربة لهم. ولهذا فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب لولي الأمر ولمن يجبي الزكاة أن يدعو للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم، لأن الله تعالى قال: وصلوات الرسول. وقوله تعالى: ألا إنها قربة لهم، يعني أنه سبحانه حقق مقصدهم فقربهم إليه، وقال: سيدخلهم الله في رحمته. وهذه بشرى لهم بسبب صدق إيمانهم وطيب نفوسهم بهذه الصدقات، وأنهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر أن هناك من أهل البادية من هو أحسن حالا من أهل الحاضرة، وفي الحقيقة أن هذا التفصيل هو بالنسبة للأفراد، يعني أفراد الحاضرة وأفراد البادية، فقد يكون في أفراد البادية من هو خير من أفراد الحاضرة، أما في الجملة فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية، أما بالنسبة للأفراد فقد يكون في أفراد الأعراب من هو خير من أهل أفراد الحاضرة. Donc le cheikh explique, maintenant on va résumer ça, qu'est-ce qu'il a expliqué ici, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce livre, Ibn Taymiyyah il explique que le verdict de façon générale à propos des bédouins et le verdict en détail à propos des bédouins. Puis il dit que le mode de vie bédouin en soi, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans un verset en disant qu'ils ont de la dureté, ils ignorent les règles d'Allah, ils ont de l'hypocrisie, ils montrent leur islam et ils cachent la mécréance. Il dit le cheikh, ça c'est leur caractéristique, mais c'est pas tous les bédouins qui sont comme ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que parmi eux il y a des exceptions. Il y a un groupe qui a cru en Allah et en son messager, et il a retiré d'eux ces caractéristiques blâmables. Et il explique que l'islam, qui est l'islam authentique, elle élimine les mauvaises caractéristiques qui existent chez des gens lorsqu'ils l'acceptent, lorsqu'ils le pratiquent comme il faut. Et donc, l'islam remplace ces mauvaises caractéristiques-là par des bonnes caractéristiques qui sont louables. Et il mentionne donc le verset qui explique que parmi les bédouins, il y en a qui ont cru en Allah et au jour dernier et qui prennent ce qu'ils dépensent dans le sentier d'Allah comme un rapprochement pour Allah et un moyen d'obtenir les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que parmi eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il y en a qui donnent leur sadaqat en espérant avoir une récompense d'Allah, en espérant avoir les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la preuve de la sincérité, de la véracité de leur foi en Allah. Il dit que, on sait que la zakat, c'est une des grandes obligations dans l'islam, et c'est le compagnon de la salat dans le Coran, parce qu'il est mentionné souvent avec la salat. Aqimus salat wa atus zakat. Chaque fois qu'on mentionne salat, souvent c'est suivi de la zakat. Donc c'est très important parmi les adorations. Et il dit que le fait de la donner, hein, c'est quelque chose qui te rapproche d'Allah. C'est quelque chose qui te rapproche d'Allah et qui fait en sorte que tu puisses obtenir des invocations du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est bien entendu à l'époque où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des du'a pour ceux qui donnaient leur zakat et qui faisaient les sadaqat. Donc, celui qui la donne pour avoir le plaisir d'Allah et l'agrément d'Allah et uniquement pour le visage d'Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les rapprochait de lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait pour eux. Comme c'est mentionné dans le Coran, dans le verset 99, c'est un rapprochement pour eux, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah pour eux. Il dit, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est recommandé pour le dirigeant et pour ceux qui vont collecter les zakats chez les gens, de faire des invocations pour ceux qui la donnent. D'accord ? Donc, au lieu que ce soit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui fasse les invocations pour eux, ce sont les dirigeants ou ceux qui ramassent la zakat chez les gens qui vont faire des doigts pour eux. Hein? Et il dit ensuite que, certes, c'est un moyen de rapprochement pour eux, envers Allah, yani ils se rapprochent d'Allah par ces sadaqat-là, par cette charité ou cette aumône ou cette zakat qu'ils donnent. Et il dit qu'ils obtiennent donc ce qu'ils ont recherché, puisque leur but c'était de se rapprocher d'Allah. Et en plus, Allah il dit qu'il va les faire rentrer dans sa miséricorde. Et ça c'est une bonne nouvelle pour eux, à cause de la sincérité de leur foi et de leur âme qui était bonne, lorsqu'ils donnaient leur sadaqat et les aumônes qu'ils donnaient, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne cette bonne annonce-là. Hein, parce qu'ils ont été sincères. Puis, l'auteur, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite que Cheikh Al-Fawzan, il clarifie que, ici, Ibn Taymiyyah, il mentionne que il y a parmi les gens des bédouins des gens qui ont été meilleurs que les gens des villes. Hein? C'est pas parce que quelqu'un est bédouin qu'il est nécessairement moins bon. Hein? Non, un bédouin peut être meilleur que quelqu'un d'une ville. Il dit que dans la réalité, il y a des détails à ce sujet-là, et que ce détail, et que il faut comprendre que quand on dit que un bédouin peut être meilleur que quelqu'un de la ville, il dit ça c'est en ce qui concerne les individus. Le verdict à propos des individus. Il dit toutefois, quand on parle de façon générale de la ville et de fait d'être un bédouin, hein, il dit que c'est certain que les gens de la ville sont meilleurs que les bédouins, de façon générale. Mais en ce qui concerne les individus, c'est possible qu'il y ait certains individus qui sont meilleurs que d'autres. Hein, parmi les bédouins, certains peuvent être meilleurs que d'autres. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans la religion. C'est un exemple ici que le cheikh il donne en ce qui concerne les bédouins et les gens de la ville. Les bédouins, c'est les nomades, les gens qui vivent dans le désert ou qui vivent dans la brousse ou dans la campagne. Il peut y en avoir de façon, parmi eux, de façon, au niveau des individus, il peut y en avoir certains d'entre eux qui sont meilleurs que certains individus de la ville, oui. Mais de façon générale, les gens de la ville sont meilleurs que les gens des bédouins, par exemple. Et ça me fait penser aussi à l'exemple que le cheikh Ibn Baz il mentionnait par rapport à la question des femmes, quand certains disaient que il y a des femmes qui sont meilleures que certains hommes. Ça c'est vrai. Cheikh Ibn Baz il dit dans son explication à ce sujet-là que il y a beaucoup de femmes qui peuvent être meilleures que beaucoup d'hommes. Hein? Certaines femmes qui peuvent être plus pieuses et plus obéissantes et plus savantes que certains hommes. Hein? On peut regarder par exemple Aïcha radiallahu anha, on peut regarder Khadija, on peut regarder d'autres également parmi les femmes qui étaient vertueuses et qui étaient pieuses et qui étaient courageuses. Donc on a vu des bonnes qualités chez certaines femmes, mais ça c'est des quand on parle des individus. Toutefois, quand on regarde le fait d'être comme si de façon générale les hommes, Allah les a préférés sur les femmes. De façon générale, les hommes sont meilleurs que les femmes. puisque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, yani الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Hein? بما فضل الله بعضهم على بعض. Il dit ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Donc elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, mais les hommes ont un degré au-dessus d'elles. Et dans l'autre verset, il dit parce qu'il a préféré les hommes sur les femmes. Donc, de façon générale, les hommes sont meilleurs que les femmes. Mais quand on regarde en tant que par rapport aux individus, c'est possible que certaines femmes soient meilleures que certains hommes. Et donc, c'est ça qui est important. Il faut comprendre des fois le côté général et le côté spécifique. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on reprendra ça la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.